Durant l'automne de 1714, alors que la cour de France demeure en proie aux afflictions les plus inconsolables depuis la disparition de tous les prétendants à la couronne, la fête bat son plein au château de Sceaux, situé à quelques lieues de Versailles et de Paris. Depuis 1700, la reine du lieu est Louise-Bénédicte de Bourbon, petite-fille du Grand Condé, princesse du sang, mariée en 1692 à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils bâtard légitimé de Louis XIV. Ressentant cette alliance comme un affront infligé à son sang et à son rang, la duchesse du Maine crée sa propre cour, modelée par son goût pour les arts et pour les sciences. Elle s'entoure d'une société savante et lettrée, développe une intense activité mondaine, tout en donnant des bals et des fêtes qui atteindront leur zénith lors des fameuses grandes nuits données de l'été 1714 au printemps 1715. C'est essentiellement autour de ces nuits que nous centrerons notre propos d'un point de vue à la fois politique et esthétique. Très clairement inspirées de celles données par le jeune Louis XIV pour asseoir son pouvoir, les fêtes de Sceaux ont pour principal objet d'attirer l'attention sur la duchesse du Maine, enfin d'en donner une image publique forte à la veille de la question de la succession à la couronne de France. Nous interrogeons sur les acteurs de ces spectacles, ordonnateurs, poètes, musiciens, ainsi que sur la spécificité de leur inspiration et de leur composition au carrefour des goûts anciens et des courants nouveaux. Après son mariage, la duchesse du Maine s'installe à Versailles. Dans l'aile neuve du château, le couple dispose de l'ancien appartement de la grande mademoiselle. Il y a aussi ses logements à Trianon, à Marly et à Fontainebleau. La princesse doit suivre la vie protocolaire de la cour, mais elle reste le plus souvent en retrait d'une société où elle ne rencontre que l'ennui. En novembre 1694, le duc du Maine est nommé grand maître de l'artillerie et prend possession de la maison de l'Arsenal à Paris, où Louise Bénédicte a deux appartements. Mais elle ne se plaît guère plus dans la maison de fonction de son mari, où elle ne se sent pas vraiment chez elle. En quête de lieux et de gens lui permettant de fuir l'atmosphère de Versailles, la duchesse du Maine découvre à l'automne 1699 le petit village de Châtenay où elle séjourne dans la maison de Nicolas de Malizieux, l'ancien professeur de mathématiques de son époux et seigneur du lieu. L'endroit est réputé pour son air très pur et très sain et est donc à même de convenir à la quatrième grossesse de la princesse qui doit être particulièrement surveillée pour donner un héritier à la famille. Depuis la maison de Malzieux, Louise Bénédicte peut à loisir contempler le château et les jardins de Sceaux tout proches, à la propriété de la veuve du marquis de Seignelay, et se met à considérer que cette magnifique demeure serait à la mesure de son rang et de son besoin d'indépendance. Propriété de Colbert, je regarde comme je fais par page, oh, ça va. Oui, justement. Propriété de Colbert, puis de son fils le marquis de Seignelay, le château de Sceaux est devenu, grâce à eux, l'une des plus belles résidences d'Île-de-France. À la fin de l'année 1700, le duc du Maine se porte acquéreur du domaine, aidé financièrement par son père. Avant même que l'acte de vente soit signé devant notaire, Louis XIV, par un geste symboliquement fort, choisit Sceaux pour faire ses adieux officiels devant toute la cour à son petit-fils le duc d'Anjou en partance pour l'Espagne dont il va recueillir la couronne. Il convient aussi et surtout de comprendre le geste du roi en direction du duc du Maine, bâtard légitimé de son cœur, qui comble de charges et d'honneur. Ah oui, j'ai pas... Voilà. Alors ça, c'est le château de Sceaux, il est détruit aujourd'hui, vous le savez. Et donc, j'ai choisi cette estampe pour vous montrer. Donc, on voit l'aile où était l'appartement de la duchesse du Maine, là, au rez-de-chaussée. Puis, elle avait un grenier aussi au dernier étage, où la Palatine allait la voir et elle arrivait tout essoufflée. Non, j'ai débordé là. En attendant que la demeure de Sceaux soit en état de recevoir le couple ducal, Louise Bénédicte revient régulièrement à Châtenay. Dans le cadre de la fête du village, dédiée au sein de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, fin juillet ou début août, Malézieux organise des spectacles, offrant l'un des tout premiers exemples de théâtre de société. La duchesse du Maine y prend une part active, en se produisant comme actrice avec les personnes de sa cour. C'est aussi à cette époque qu'est créé l'ordre de la mouche à miel, régi par des règlements et des statuts, parodie des ordres de chevalerie et des sociétés académiques. Louise Bénédicte subissait les moqueries de certains membres de la famille royale au sujet de sa petite taille, qui était une constante chez les Condés. Retournant ce désavantage à sa faveur, la fière princesse prit comme emblème l'abeille et une devise tirée de la main du tasse que je voulais en français, petite certes, mais elle fait de profondes blessures. Voilà la médaille de l'ordre que tous les gens qui étaient élus dans l'ordre devaient porter, avec au bout d'un ruban jaune. Et donc vous voyez d'un côté la reine des abeilles, sa ruche. La devise et la date de création de l'ordre, 1703, pardon. Et de l'autre, l'effigie en profil de la duchesse du Maine, entourée de cette inscription cryptée, que je vous décrypte, Ludovise baronne de Sceaux, directrice perpétuelle de l'ordre de la mouche à miel. Après la disparition du duc de Berry, le 4 mai 1714, ne reste de la descendance des Bourbons que le duc d'Anjou, roi d'Espagne depuis 1700, et le futur Louis XV, âgé de 4 ans. Afin de prévenir la succession de son règne, Louis XIV prend de nouvelles dispositions concernant ses fils légitimés. En 1694, il leur avait déjà accordé un rang intermédiaire entre les princes du sang et les ducs et pairs. Par l'édit du 28 juillet 1714, le duc du Maine, le comte de Toulouse, son frère, et leurs descendants mâles sont déclarés aptes à monter sur le trône si la famille royale vient à s'éteindre. Dès le lendemain, la duchesse du Maine, débordante de reconnaissance, écrit une lettre de remerciement à Madame de Maintenon, qui a eu quelque part dans la décision du roi. Puisque Madame de Maintenon, je vous le rappelle, avait élevé le duc du Maine et c'était resté son enfant chéri. Le 31 juillet, donc soit seulement 2 jours après ce courrier à Madame de Maintenon, Sceaux devient le théâtre des fêtes les plus originales données en leur temps, destinées à focaliser la lumière là où se trouvent peut-être les futurs rois et reines de France. Ces nuits ne peuvent en effet se comprendre si l'on ignore les dessins politiques nourris par Louise Bénédicte pour elle et sa famille. L'une des particularités des grandes nuits est d'être sous l'égide d'un roi et d'une reine qui en conçoivent le contenu et en assurent tout ou partie du financement. Ce simulacre de pouvoir est tout à fait spécifique de Sceaux, car si les fêtes de Louis XIV avaient des organisateurs propres à mettre en scène ce qu'il désirait, c'est la première fois qu'un couple mixte prend ses fonctions. Ces rois et reines, d'un soir, pris dans les réseaux actifs de Sceaux à cette époque, sont pris dans les réseaux actifs de Sceaux à cette époque. Pardon. Leur étude montre un large faisceau de personnages mêlant jeunes et vieilles générations, allant de l'entourage proche et fidèle de la duchesse du Maine à des alliances ancestrales, de militaires appartenant à la maison du duc à des hommes d'église, enfin à des parlementaires dont certains sont susceptibles de soutenir la princesse dans ses projets politiques. Entre privé et public, cette société inspirera le pire des mépris à Saint-Simon, qui écrit déjà en 1711 « La vie de Sceaux, l'assemblage bizarre des commensaux, les fêtes, les spectacles, les plaisirs de ce lieu étaient chamarrés en ridicule. » Deux reines des nuits appartiennent aux domestiques de la duchesse du Maine. J'espère que ça ne sera pas trop long l'énumération, mais je pense que c'est important. Fille d'un lieutenant-colonel du régiment du Maine, Mademoiselle de Montauban et Demoiselle d'Honneur. Madame de Chambonas, qui a remplacé sa dame d'honneur, et elle a remplacé en 1702 Madame de Manville, que lui avait imposé Madame de Maintenon. Et la duchesse s'en est assez vite débarrassée pour Madame de Chambonas, avec qui elle restera liée toute sa vie. La marquise de Croissy et la duchesse de Rouen sont attachées à la princesse depuis les premières fêtes de Châtenay. Ça fait plus de 10 ans. Madame de Croissy est l'épouse de Charles-François Colbert, neveu du ministre. La duchesse de Rouen nous rapproche des Condés, puisque Marguerite de Rouen, sa belle-mère, alors l'un des plus beaux partis de France, a été mariée en 1645 à Henri de Chabot, sous l'égide du Grand Condé. Ce lien notoire avec les Rouens est cultivé à de claires fins de propagande, lorsqu'en 1913, à l'occasion de la paix d'Utrecht, le duc et la duchesse du Maine, désireux de se rendre populaires, se montrent au balcon des Rouens, place royale, et jettent de l'argent au peuple. Les autres reines sont encore les épouses, les sœurs ou les filles de personnages dont il y a tout intérêt à avoir la protection. Fille aînée du duc de Nevers, Diane Gabrielle Victoire Mazzarini Mancini a épousé en 1700 le prince de Chimay, encore un militaire, lieutenant général des armées, chevalier de la Toison d'Or et grand d'Espagne grâce à Madame des Ursins. La duchesse de Brissac est la sœur de Michel-François de Vertamont, premier président du Grand Conseil, et la marquise de Charot est la fille de Nicolas Brulard, premier président du Parlement de Bourgogne, fief des Condés. Je passe aux hommes. Jean-Antoine de Même, comte d'Avaux, l'un des piliers de la cour de Sceaux, règne sur deux nuits en la prestigieuse compagnie de Louise Bénédicte. En tant que premier président du Parlement de Paris, il est aux premières loges dans la question de la succession de Louis XIV. Roi des 8e et 9e nuits, Henri-Jacques Nompard de Caumont, duc de la Force, aristocrate lettré, se trouvera également impliqué dans les affaires à venir, j'entends la conspiration de Célamard, en tant que duc et pair. Président au Parlement de Paris, Pierre-Jean de Romanet est lui aussi un fidèle de la maison. Et enfin, M. Castelblanc est probablement Joseph Rojas, marquis de Castelblanco, né au Pérou, qui sera recommandant en 1717 au cardinal François Acquaviva, agent de Giulio Aperoni, chargé des affaires d'Espagne à Rome, et l'un des principaux acteurs de la conspiration de Célamard. Les liens consanguins entre certains rois et reines concourent à l'expression de la munificence de la protection de la duchesse du Maine. Nicolas de Malzieu a auprès de lui l'un de ses quatre fils, Pierre, capitaine des gardes du comte II, à savoir le second fils de la duchesse du Maine. Boiteux et au visage ingrat, l'abbé de Vaubrun, après un exil de 10 ans pour espionnage à la solde du cardinal de Bouillon, trouve à Sceaux la compagnie qui lui convient. Il peut se livrer à sa fantaisie, ce qui enchante évidemment Louise Bénédicte, qui le surnomme le sublime du frivole. L'abbé est accompagné de sa sœur, la duchesse d'Estrée, qui a épousé en seconde noce le duc d'Estrée, neveu du cardinal d'Estrée, du même nom. Et enfin, le chevalier Charles-François Andreau de Langeron, le lieutenant des galères, chef d'escadre, qui est le fils du comte de Langeron, protégé de Colbert encore, et de marquis de Seignelay. Et sa sœur donc participe aux amusements de Sceaux déjà depuis plusieurs années. Et enfin, l'abbé Henri de Même, prieur de Saint-Pierre d'Abbeville, et le frère cadet du président. Les auteurs. Généralement, chaque nuit fait appel à plusieurs auteurs. Il ne s'agit pas pour autant d'ouvrages collectifs, mais d'une succession d'œuvres d'auteurs différents. Multiplier, diversifier les poètes et les compositeurs doit être ressenti pour l'extérieur comme une démonstration de rayonnement et de puissance. Ainsi que les croises et les reines, le panel des poètes et des compositeurs réunit ceux appartenant à la maison de Sceaux et ceux venant de l'extérieur, professionnels ou amateurs. Les écrivains attachés à Sceaux sont Nicolas de Malizieu, l'abbé Charles-Claude Genet et Rose Delaunay, qui prend une part importante de la première nuit à la dernière, entièrement conçue par elle. Tous trois resteront dévoués à la duchesse du Maine jusqu'à leur mort. Parmi les poètes extérieurs, certains ont déjà leur actif une belle carrière à l'Académie royale de musique ou d'art de la Motte, Pierre Charleroi et l'abbé Simon-Joseph Pellegrin, qui était un protégé aussi de Madame de Maintenon. En revanche, deux écrivains font leur premier pas à Sceaux, ce qui permet d'apprécier l'aptitude de la duchesse du Maine à découvrir des talents, et en musique ce sera pareil. Il y a Pierre-François Godard de Beauchamp qui écrira l'ouvrage encyclopédique Recherche sur les théâtres de France, et surtout Philippe Néricault des Touches, qui sera destiné à devenir l'un des plus prolifiques auteurs de comédies de son siècle. En ce qui concerne les amateurs, la duchesse du Maine porte son choix sur le chevalier de Gavaudin, fidèle de la maison, et le duc de la Force, qui étaient tous deux étant aussi roi des nuits. Et il y a aussi Jean-Roland Mallet, qui est lui plutôt du côté il est premier commis du contrôleur général des finances des marées, dont il est aussi le cousin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce fameux Mallet sera reçu à l'Académie française le 29 décembre 1714 et la Force un mois plus tard, c'est-à-dire au cœur des nuits et peu après leur prestation, ce qui n'a évidemment rien de hasard. Le second remerciera la duchesse du Maine dans son discours de réception. Les compositeurs, Jean-Joseph Mouret et Pierre-Nicolas Marchand, sont officiers de la maison du Maine, donc ils sont régulièrement payés. Une partie de l'écriture des nuits leur est confiée selon deux couplages privilégiés, Malizieu-Mouret, Genet-Marchand. Les musiciens étrangers présentent des profils variés. Nicolas Bernier bénéficia comme Mouret de la bienveillance du dieu de Noailles, proche de Madame de Maintenon. Et si Thomas Louis Bourgeois triomphe aussi à l'Académie royale avec ses opéras-ballets, François-Colin de Blamont, à la veille de ses 24 ans, trouve à Sceaux la première chance de se faire connaître avant une carrière prestigieuse à la cour et à la ville. Les grandes nuits se présentent comme des fêtes régulières, réunissant théâtre, musique et danse. Au nombre de 16, elles se déroulèrent du 31 juillet au mois de mai 1715. Au départ, elles étaient prévues de 15 en 15 jours, généralement le mercredi, mais elles se sont par la suite espacées, sans doute pour des raisons financières. Cette périodicité est unique dans l'histoire des fêtes du règne de Louis XIV. Les quatre premières nuits ne consistent qu'en un seul divertissement. À partir de la quatrième, une forme se constitue avec la succession de trois intermèdes, probablement donnés à différents moments de la soirée et de la nuit, entre plaisir de la table et partie de jeu. Mais c'est avec la cinquième nuit que la notion de fête va être clairement identifiée. Cette nuit est qualifiée de véritable fête, où règne le goût et la magnificence. J'y reviendrai. Les sources des grandes nuits sont très lacunaires. Les textes poétiques sont essentiellement conservés dans le second volume des divertissements de Sceaux que vous avez devant vous, de 1725, toutefois parcellaires, car ne consacrant que quelques lignes à certaines nuits, comme ici la troisième. Les sources musicales sont largement déficitaires, excepté les divers divertissements de Bernier, publiés par ses soins et dédiés évidemment à la Duchesse, et une version tardive des Amours de Ragonde, éditée par la veuve de Mouret en 1742. Nous ne possédons aucun élément visuel, décor, costume, chorégraphie, et nous ne savons rien des acteurs et des musiciens qui interprétèrent les nuits. Seule l'identité de certains danseurs est révélée, fleuron de l'Académie royale de musique. Fascinante en soi, la thématique nocturne n'est pas pour autant neuve, si l'on pense au ballet de cour de l'époque de Louis XIII, au spectacle offert par Louis XIV, aux tragédies musicales, aux divertissements aristocratiques. Toutefois, chez la Duchesse du Maine, la nuit n'est pas seulement un espace propice à la fête ou la veille préparant aux premières lueurs de l'aurore. Elle est l'essence même de la vie, et le sommeil est assimilé à la mort. N'ayant pas besoin de dormir, la princesse acquiert un nécessaire statut d'immortalité et se place même au-dessus des dieux, comme l'allégorie de la nuit le chante dans la cantate de Bernier. Notre déesse ignore l'humaine faiblesse que partageaient tous les dieux d'autrefois. Fer de lance des divertissements royaux et aristocratiques, la mythologie est naturellement présente dans les nuits où interviennent Apollon, Vénus, Minerve, Mercure. Comme Louis XIV, la Duchesse du Maine porte une dévotion particulière au dieu des arts qui se manifeste tant dans la décoration de ses appartements que dans ses divertissements. Les nuits accueillent aussi le féerique, l'astrologie ou encore l'exotisme. Mais ce ne sont pas des Espagnols ou des Américains qui arrivent à Sceaux, mais un ambassadeur groenlandais qui offre à la Duchesse du Maine la souveraineté de son état, car son peuple est de petite taille et connaît les nuits les plus longues de la planète. Tout en restant galant, le ton affleure clairement les zones du pouvoir. Certains autres thèmes, bon, alors je vais passer. C'est important. Un dernier point commun entre les palais de cour et les nuits concerne le mélange des tons où l'encomiastique côtoie le burlesque, le sérieux, le comique, les fêtes de Sceaux introduisant une dimension nouvelle, celle de la parodie. Les allégories aussi sont importantes, notamment l'aurore, la nuit, le jeu, le sommeil, qui apparaît à quatre reprises, afin de troubler les plaisirs de la cour de la princesse. Il se montre pour la première fois lors de la cinquième nuit où il s'est réfugié dans le pavillon de l'aurore, traqué par le lutin de Sceaux. Il faut se rappeler que ce pavillon avait été construit par Colbert, à l'extrême est de son domaine, pour marquer sa capacité d'entreprise au service de Louis XIV dès le lever du jour. Cette image était renforcée par le thème de la fresque peinte par Lebrun à l'intérieur, représentant l'allégorie de l'aurore, chassant la nuit enveloppée d'un grand manteau noir. Louise Bénédicte s'approprie le lieu à son usage, quitte à en permuter le sens original et à faire tomber les voiles de la nuit sur les forces diurnes révérées par Colbert. Les ballets du XVIIe siècle, surtout ceux qu'on se pour le roi Soleil, visaient à exalter la grandeur de la monarchie et à créer une mythologie de la figure du souverain. On songe en particulier au ballet royal de la nuit, dont le titre même interpelle. Il est probable qu'on en connut toujours le renom plus de 60 ans plus tard. Dans ces nuits, la Duchesse du Maine ne joue plus la comédie, mais son double, Ludovise, dans l'espace de la représentation, n'a jamais été plus puissant. Les nuits l'assimilent à un astre, la comparent à Vénus, dont elle réveille la jalousie, triomphe enfin du soleil par un simple regard. Alors, si ça vous ennuie, je voulais parler des choses nouvelles quand même à Sceaux. Si l'inspiration des nuits est largement tributaire des fêtes royales passées, elle s'accorde aussi avec les goûts de leur temps, les devance parfois. À la fin décembre, alors que l'on n'a pas regardé la dépense pour rendre les fêtes de plus en plus fastueuses, le principe de réalité se fait sentir, y compris pour la duchesse du Maine qui doit les interrompre, mais ne peut s'y résoudre longtemps. C'est là donc qu'on donne les amours de Ragonde, qui remplace les intermèdes jusque-là pour une comédie en musique, donc qui sera la seule attraction de la soirée. Et c'est avec des personnages venant du village de Sceaux, qui parlent comme des paysans de Sceaux. C'est intéressant parce qu'au même moment, Mouret vient de se faire huer avec les fêtes de Thalie, où pour la première fois, il introduisait des personnages du quotidien sur la scène de l'Académie royale. Et donc, de réintroduire ces personnages du quotidien sur la scène de Sceaux n'était sûrement pas étranger à la jeunesse des amours de Ragonde. Il y a la performance aussi de Claude Ballon et de Françoise Prévost dans la pantomime d'Horace et de Camille de Corneille, où on voit Horace qui tue sa sœur au son d'une musique composée par Mouret sur des vers de Corneille, comme si on l'ait dû les chanter. Et cela préfigure le ballet d'action qui raconte une histoire uniquement à l'aide de gestes et de mouvements de danse qui connaîtra un avenir brillant dans le siècle. Et enfin, dernière innovation, mais ce ne sont que des exemples, le dialogue des morts, qui était de tradition antique et qui est remis au goût du jour à la fin du XVIIe siècle par Fontenelle et Fénelon. Au 18e. Au royaume des morts de Sceaux, les ombres de l'Antiquité, Archimède. Ah, mais oui, j'ai oublié. Ben, c'est fini. Voilà. Archimède, Eurydice et Thérence, et celle du grand siècle, Corneille et Descartes, se livrent surtout à un portrait apologétique de la duchesse du Maine, rendant hommage tant à ses connaissances scientifiques qu'à son talent de comédienne, car grâce à elle, leurs œuvres sont toujours vivantes. Je conclus. Si les grandes nuits de Sceaux sont restées dans les mémoires, malgré le peu de sources qui nous restent, y compris sur leur réception, il y a à cela plusieurs raisons. Alors que le roi Soleil est à la fin de sa carrière, les fêtes données par la duchesse du Maine, leur splendeur, l'excellence de leurs artistes et leur enjouement font briller les derniers feux d'une époque révolue. Tournées aussi vers l'innovation et la foi formelle, poétique, musicale et chorégraphique, les nuits de Sceaux ne sont pas pour autant un foyer d'opposition à Versailles. Elles témoignent surtout de la personnalité exceptionnelle de la duchesse du Maine, dont l'imaginaire de toute puissance, capable de renverser les valeurs cosmiques, tout comme l'autocélébration constante, se frotte sans crainte aux parodiques afin de construire un authentique espace de liberté.